m'a jamais fait peur. La célébrité mes cœurs. Déterminé je cours, mais y'a les vautours autour. Déterminé je vais le faire, marquer mon époque au fer. Mes principes contre un gros chef, non fils de chien je suis trop fier. Yeah. Regarde tout ce qu'on a offert, c'est Dieu qui nous l'a offert. Je suis le numéro des crews, moi je veux une mise ensuite à l'automne. C'est des fois je me sens perdu, peur d'oublier chemin. Mais le soleil se lèvera partout, même très loin de chez moi. Oh my god, oh je me calme. Est-ce que je serai de taille? Est-ce qu'il me reste encore du time? Oh my god, est-ce que je serai de taille? Si j'ai plus de temps, je le ferai pour les miens. Que tu connaisses ma victoire, hein? On n'est pas dans le même navire, non. Ah, que tu connaisses ma victoire, hein? On n'est pas dans le même navire, non. Ah, que tu connaisses ma vie. Haram entre deux, je slalom, focus, je ne suis qu'un homme, mais c'est ma vie. Mon fait que je le transforme en millions et des millions, transforme les amis en ennemis. Ah ouais, tiens, en parlant d'ennemis, quand j'étais pauvre, y'en avait moins, non. J'étais moins intéressant, moi. Ah ouais, mais ça, c'était avant. Mon quartier, ça a changé d'après les humeurs. Y'a trop de bruit sur toi, mon fils, et moi, ça me fait peur. J'suis plus là, ayama, fais des valises, j'vise le ciel, et ces étoiles, brille que pour toi. Tu connais ma vie, toi. Ah, on n'est pas dans le même navire, non. Ah, que tu connais ma vie, toi. Ah, on n'est pas dans le même navire, non. Ah.